Nous allons taper les mains au même rythme. Nous sommes au front. Amen. Voyez que même le ciel bouge. Hein? Le dimanche, c'est rare. Nous sommes au front, alors ayons l'harmonie et l'accord parmi nous. Docile, osserva et doma, la santa, la plena compagnon de l'église son guide. Come and talk. qui a déjà vaincu et celui qui vaincra. Non pas à nous, mais à son nom, il donnera gloire. Notre bouclier est en lui. Il nous a donné une grande victoire cette semaine. Ici, localement. Mais nous allons nous battre encore ce matin pour conserver la victoire du tabernacle localement, mais aussi pour nos frères qui ne sont pas à Kinshasa sur place. Et le même bouclier du Seigneur agisse. Il a, sa main n'est pas courte pour délivrer. Elle peut agir à distance. Et prouver que nous sommes une même famille. Un même peuple. Le même berger qui nous garde. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment merveilleux. Nous sentons l'agitation des démons. Ils ne sont pas à l'aise. Quand ton Église se décide de maintenir sa victoire, de pourchasser l'ennemi, voilà l'agitation dans tous les sens. Mais tu es notre bouclier. Tu es le commandant en chef de l'armée chrétienne. Tu n'as jamais échoué une bataille. Il est tout puissant contre toi. Le Dieu qui était, qui est et qui vient. Moi qui sera ce que tu seras. Le grand Jésus éternel. Le Moïse, Dieu d'Abraham. Le Dieu des chrétiens. Le louange à ton nom puissant. Le Père de miracles. Donne des réponses aux prières. Nous prenons action de grâce. Nous serons votre nom. Nous confions nos vies. Donne chacun du souffle. De la force nouvelle. Pour s'emparer des forteresses. Pour récupérer ses bénédictions. Pour déroger les démons. Pour contrôler son territoire. Pour contrôler son territoire. Parce qu'il lui a donné par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Agis maintenant par. Pendant que nous sommes ensemble. Et pendant que nous sommes à distance. Et le lien de la communion soit resté. Par la force du Saint-Esprit. Plus que vainqueur. Et que toute la victoire qui traîne encore. Excellent. Ça se précipite vers chacun. Ouvre la voie, Seigneur. Ouvre les yeux, Christ, Monsieur. Et répare les permissions avec le Par la foi, nous réclamons. Par la foi, nous témoignons. Par la foi, nous vertuons la manette. Par la foi, tu ne changes jamais. Et la foi que tu nous as donnée est une victoire éclatante. Que les maladies s'enfuient. Que la douleur soit écrasée. Que toutes les peines de corps soient dissipées. Que l'incrédulité soit épargnée. Que la foi prenne place. Maintenant et pour toujours. Délivre les esprits de tes enfants. Délivre les femmes de tes enfants. Délivre le cœur de chacun. De tout emprise des démons. De tout tourment des esprits mauvais. Donne la joie et la paix. Au nom de Jésus-Christ. Prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Beaucoup Vanda. La réunion d'aujourd'hui, c'est la suite de la réunion de jeudi. Mayanga les allez souka, ya mayanga ya mokolamine. Vous rappelez que jeudi c'était le service d'adoration et prière. Il était mokolamine et zaki mokolakukumba mepema bondele. Et à la fin, la proposition a été faite. Pena souka tout. ce dimanche ne sont pas comme les autres dimanches habituels. Mais que ce soit un jour d'adoration et de prière. Que nous puissions rendre à Dieu des actions de grâce. Et nous voilà, il nous a gardés ici. Parce qu'il est Dieu et la foi est victorieuse. Je vous avais dit jeudi. Peut-être, si cet ennemi peut dire, mais ce petit prédicateur là, c'est bout d'homme là, qu'est-ce qu'il croit? Nous dans un moment. Je vous ai dit, vendredi, je serai ici. J'apporterai la prédication. Et l'œuvre de Dieu se poursuivra. Amen. Au-delà de ce que j'avais dit, Dieu m'a donné encore samedi. Et Dieu m'a donné encore dimanche. Oh! Il est bon. Il est merveilleux. Alors, comme nous sommes au fond, dans la première petite partie ici, je vais juste attirer votre attention sur quelques petites choses que Dieu a faites ici. Quand vous avez entendu une partie, et donc je vais faire encore un petit commentaire pour vous montrer que Dieu veille sur sa parole et il la confirme. J'ai dit notre pensée de méditation est autour de l'ange de Dieu contre la mort prématurée des croyants. L'ange de Dieu contre la mort prématurée des croyants. Nous avons le même élan de méditation. Parce que la réunion d'aujourd'hui, c'est la suite de jeudi. Et Dieu a permis que pendant jeudi, quelque chose soit dit. Avec la nécessité d'avoir une église établie. Parce que si on n'en a pas, on ne sait pas les âmes qui se convertissent. Où est-ce qu'on va le placer? Des églises établies. Des assemblées locales établies. Selon le modèle biblique. Selon le modèle de la vérité. Que Dieu soit loué. Ici dans Esaïe 59, vous le savez. Nous allons mettre debout pour deux minutes. Esaïe 59 ici. C'est la première partie que je vais essayer. On va laisser encore le temps de prière. Donc dans Esaïe 59, vous le connaissez, verset 19. On craindra les mots de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Zambi ekoya lokola estima ezali kotola makasi oyo penza na Yahwe ezali kopusa yango. Dans Psaume 37 verset 1 et 2. Banzembo ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car, suivez, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Amen. Et ils se flétrissent comme le gazon. Pwete bakolimwa mbango lokola matiti, bakokauka lokola matiti mobesu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambe pambo la butenge lobana e. Veuillez vous asseoir. Okokovanda. Merci. Alors ici, je vais juste relater brièvement. Awa na koloba mobele na likolo likolo mwa na lombango. Ce qui s'est passé au courant de cette semaine. Oyo elekaki na kaka na Dieu dans sa bonté. A dévoilé quelque chose qui s'est passé autour de l'église. C'était l'esprit de mort. Un ange de mort qui était là. Et nous nous sommes opposés. Frère Branham nous a dit ceci. Dans la rédemption dans la totalité et dans la joie. Sermon que nous avons lu jeudi, vous avez ça, vous qui recevez la prédication. La rédemption dans la totalité, dans sa totalité, dans la joie. Du 30 mars 1954. À part l'exemple de frère Branham qui avait été donné, au paragraphe 64-65, il a donné son exemple personnel, comment il y avait 23 ans, le même démon s'était approché de lui, le temps de la mort, pour l'amener dans la tombe, mais lui n'avait pas, il ne s'était pas laissé faire. Il a choisi d'accepter la grâce imméritée de Dieu. Il nous donnait l'occasion de vivre encore. Et il a vécu encore, et par reconnaissance, il est allé chercher des âmes pour Christ. Et il en a gagné 1 500 000. Pendant les 23 années là. Pensez-y. Alors, au paragraphe 63, la vérité générale est dite. Maintenant, pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu né de nouveau, quand la mort vient à la porte, comme un voleur, prématurément, l'ange de Dieu s'interpose entre vous et la maladie. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, donc, si vous-même, vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voyez, il s'interpose entre vous et la mort. Alors, ce voleur est venu. Et il a été aperçu. Par la grâce de Dieu. Dimanche, vers la fin de la prière, votre attention a été attirée ici. Mais déjà lundi nuit, une attaque fulminante. Le mardi nuit, une attaque fulminante sur notre frère prince. Voyez ça. Il a eu des troubles respiratoires nuitamment. Et il ne m'a pas contacté. Il est en contact avec sa fiancée, notre soeur Dorcas. Elle l'a appelé pour le demander de prier. Parce que ça n'allait pas. Mais un détail a été donné. Pendant qu'il souffrait comme ça là, il disait, et sa fiancée m'a rapporté cela, je ne mourrai pas. Qu'est-ce que c'est? L'homme a refusé la mort. Les troubles pouvaient l'achever. Quand on l'amenait vite le matin à l'hôpital, c'était une anémie sévère. Et de surcroît, il ne tolérait pas. Le taux d'hémoglobine était vraiment suspendu. Mais le corps aussi ne supportait pas cette anémie. On a demandé 2 unités de sang. Pour essayer de remonter le niveau. Mais il fallait vaincre l'esprit de mort. Sans quoi le traitement ne ferait rien. Sachez que lorsqu'il y a des interférences spirituelles dans une maladie, le médecin peut offrir le meilleur de lui-même, mais le résultat sera fatidique. Il faut avoir la spiritualité. Pour pour combattre les batailles de l'au-delà. Remporter la victoire de la foi. Et cela va s'imposer dans les domaines visibles. Notre frère a dit non. Qu'il ne mourrait pas. Et cela a aidé nos prières d'agir. Et là, c'est la communion fraternelle. Et nous disons, soyons toujours ensemble. Confessons la même chose. Dieu reste Dieu. Vous voyez bien aimé? Le même mercredi, parmi nous, un frère était en train de voyager. Je reviens. Pour montrer notre aspect, dans le cas du frère Prince, l'attaque est venue, mais il était encore conscient dans l'état de pouvoir se prononcer pour ou contre. Mais la mort ne vient pas toujours de manière protocolaire comme ça. Où elle vous est de parler, de vous exprimer. La mort peut venir aussi brusquement. Vous savez que ça existe. La mort subite. Ça existe. C'est enseigné dans les leçons de médecine. La mort subite. Pour ce genre de cas, il arrive que la personne n'ait même pas l'occasion de se prononcer. C'est notamment ce qui se passe dans des accidents. C'est ce qui se passe des fois lorsqu'on est abattu par balle ou par obus. Ou ce qui se passe lorsque vous mourrez en plein sommeil. Vous n'avez pas l'occasion de pressentir cette histoire venue. Pour vous prononcer à travers un choix. Et la Bible dit dans les psaumes 37 que nous avons dit, moi croyant, n'en veux pas les méchants. Ne convoite pas ceux qui font le mal. Car leurs sont reconnus. Ceux qui sont fauchés aussi vite que l'herbe. Quand il s'agira de les faucher ces gens-là, ils n'ont pas souvent le temps de pressentir ni de se prononcer. Ils sont emportés. Ils sont fauchés aussi vite que possible. Aussi vite que l'herbe. Leur gloire peut s'évanouir en un instant. Leur succès peut s'effondrer en quelques minutes. Leur souffle de vie aussi peut partir brusquement. En pleine activité pendant qu'on les croyait en vigueur. Ils peuvent être fauchés sur les temps. Ça c'est une possibilité dans la Bible, réservé aux méchants. Mais quand les justes doivent quitter la terre, les justes ne doivent pas mourir comme les cancrillats. Les justes ne doivent pas mourir comme les méchants. Ils doivent avoir le temps de se préparer. Paul est un exemple. Il a dit, pour moi, le jour de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Et j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il en a parlé avant que cela ne se produise. William Branham, pareillement. Quand ce voleur de la mort est venu la première fois, dans les années 31, Dieu l'en a délivré. Et par reconnaissance envers ce Dieu-là de grâce, il est allé les servir. Quelques femmes perdues pour être sauvées. Appeler les pécheurs à la répentance. Prêcher l'évangile du mieux qu'il pouvait. On a gagné Il y a un million. Louange à Jésus-Christ. Paul en a parlé. Branham en a parlé. Il a aussi dit que je ne mourrais simplement pas de bien. Il savait qu'il allait partir. Et pour là, bien que cela est arrivé dans un contexte d'accident. Mais il savait qu'il allait partir. Tel n'est pas le cas pour les méchants. Êtes-vous là? Tel n'est pas le cas pour les méchants. Car ceux-là sont fauchés aussi vite clair. Que Dieu t'aide à manifester ta vraie couleur. Pas à ce voleur appelé l'amour, car vouloir ou pas, il partira un jour. Tu t'aniras. Tout l'orgueil. L'entêtement. L'incrédulité. La témérité. Ça sera jeté dans la poussière. Pendant qu'il est temps, craignons Dieu. Amen. Arrêtez de vous enorgueillir. Arrêtez de vous entêter dans le péché. Arrêtez de faire le mal. Car vous serez fauché comme l'herbe. Aussi vite que l'herbe. Même Balaam. Vous laissant cette différence entre le juste et le méchant, au moment de leur départ, il s'est écrié, ah, que je meurs de la mort de juste. Il a réclamé que lorsque sa mort surgira, puisse-t-il pas mourir de la mort des méchants qui sont fauchés là aussi vite que l'herbe, qui sont surpris bouche bée dans l'au-delà, comme le jeune homme riche. Le Seigneur lui avait donné l'occasion de choisir la volonté de Dieu, de venir suivre Jésus-Christ, mais il a refusé de faire ça. Il a préféré s'attacher à ses richesses, à son succès temporaire. Il a refusé de suivre Jésus. Et la conséquence, dans Luc 16, le jour de sa mort, la Bible dit que le jeune homme riche mourut, mais il fut en proie au tourment. Donc c'est peut-être ici, attendez pas. Il est habitué dans une religion, dans une loge, qui nous faisait croire que tout ce qui invoque le nom de Dieu, Dieu est un Dieu d'amour, il est bon. Mais c'est ce que c'est, garder le commandement et des choses comme ça, c'est l'essentiel. Dieu ne va pas te rejeter. Un genre de loge formaliste. Comme ça. Le genre d'église qui ne combatte pas les combats spirituels de l'État. Les gens endormis et tièdes. Ils ne se disent rien de votre bataille. Mais qui endorment les gens dans les fausses espérances. Sortez du milieu de l'économie. Dieu vous fait au front. Combattez, mais d'après la parole. Combattez en ayant le principe. Ne lâchez pas l'épée de la parole. Ne lâchez pas le bouclier de la foi. Réveille-toi de toutes les armures de Dieu pour résister et tenir ferme. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Amen. Oh, que je meurs de la mort de juste. Mais vous savez ce qui lui est arrivé? Malgré qu'il avait souhaité ça. Mais parce qu'il avait aimé l'argent plus que Dieu. Il avait dans sa vie aimé l'argent plus que la volonté de Dieu. Il avait aimé les richesses matérielles. L'argent que lui proposait le roi de Moab. Qui appelait le fils Sipo. Appelait Balaam. Il dit non. Prends ces enveloppes, c'est mal l'argent. Va mon Dieu, Israël. Scandaliser les enfants de Dieu. Mieux vaut pour celui-là qui scandalise le croyant. Mieux vaut pour lui ne même pas naître. Que ta vie ne soit pas une pierre d'achoppement pour l'église. Mais à cause de l'argent, Balaam a fait le choix de trahir la volonté de Dieu. Allez comploter contre la volonté de Dieu. Prendre des décisions contre la parole. Pour avoir l'argent. Alors, Au jour de sa mort, malgré tout ce souhait-là, il a été fauché aussi vite que là. Vous savez comment il était mort? Décapité. Et la Bible lui a donné le nom d'un devin. Au jour de sa mort. Dans une bataille que l'Éternel a suscitée, un courageux venu avec le père, il a coupé la tête du serpent. Il n'a même pas eu le temps de choisir entre mourir ou refuser de mourir. Il a été sauvagement décapité. Il est mort de la mort des méchants. Il est mort de la mort de ceux qui font le mal. Chers amis, craignez Dieu. Votre souffle de vie ne dépend pas de Dieu. Quand Dieu vous donne la force et la santé, quand Dieu vous donne l'intelligence pour réfléchir, n'utilisez jamais cela pour le mal. Donnez vos membres au bien seulement. C'est la volonté de Dieu pour le jour de votre vie. Vous dites amen. Alors, dans cette situation, les voleurs appelaient la mort dans son deuxième maçon. Ici, dans notre petite communauté, il a pourchassé son frère là, David Junior. La voiture dans laquelle il partait à Mwanda s'est retrouvé, comme vous voyez, dans un dépassement. Pendant qu'elle voulait dépasser une remorque, une autre remorque s'est retrouvée au milieu. C'est-à-dire, ce jeune homme, ils allaient être broyés. Mais eux-mêmes n'ont pas compris comment ils s'en sont sortis. Entre deux véhicules remorques en croisement. Ceux qui ont passé la nationale numéro 1 pour transporter savent qu'est-ce que cela représente. Or, avant ça, il avait donné la requête. Que le soir déjà du mercredi, l'église puisse penser à lui dans sa prière. La requête est arrivée, mais quelques heures après, c'est le signal d'un accident mortel raté de justice. Peut-être le frère n'allait même pas avoir le temps de se prononcer. Entre mourir ou refuser de mourir. Mais la grâce imméritée de Dieu lui a préservé la vie. Parce que bien qu'en déplacement, il avait son cœur dans la communauté ici. Demandant que l'église le soir prie pour lui. L'église allait prier pour un cadavre. Cette petite foi l'a préservée. C'est pour ça que vous devez rester toujours dans la ligne de la volonté de Dieu. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver à un moment. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Maintenant, je dis, nous avons adoré ici. Ce que je veux dire, va être encore un peu plus sensible. Nous sommes au front. Nous présentons toutes les situations. Même un soldat blessé, il faut le dire. Il faut mentionner pour tirer les bonnes leçons. Vous savez ce qui est arrivé maintenant vendredi. Là, cette fois-là, c'est dans la maison du pasteur. Les après-midi du vendredi. Ma propre épouse l'a assise derrière. Pendant qu'elle était très faible. Toute la semaine, elle n'a pas passé au club. Les malaises se sont prononcés depuis le lundi. Très faible, de fièvre, de douleur, partout, tout ça. Mais vendredi, pendant une petite somme d'après-midi, elle dort, je prends juste la partie qui nous concerne. Elle a vu un décor. On était assis devant le portail de chez nous là. En cercle, hein? Il y avait mon couple et puis le couple Mboyo qui l'a identifié. Il y avait d'autres frères aussi assis en cercle. Les noms échappent. À un moment donné, elle voit venir notre bienheureuse sœur Florentine. Elle s'approche, toute souriante, bon gentil, vous voyez, on était très familier. Alors, les saluts. Alors, moi j'étais assis à sa droite. Et la sœur tire aussi une chaise blanche. Et les chaises qu'on a utilisées ici à l'église. Elle s'assoit à sa gauche. Bon, elle ne parle pas. Mais à un moment, elle lui tend la main. Elle lui dit, mais viens maintenant, on part, non? Viens, on part. Elle lui a dit, non. Bon, elle répète. Mais tends-moi la main, viens, on part. Elle répète encore, non. Alors, comme j'étais assis à ses côtés, elle a tiré ma main. Il a passé ma main par derrière elle. Pour l'attendre vers la sœur Florentine qui était assise à sa gauche. Dès qu'elle a vu ma main, elle a disparu les paroles. Qu'est-ce que ce signe montre? Notre sœur se repose. Elle n'a rien à voir avec ce qui se passe sous le soleil. Mais le voleur Satan, il peut utiliser n'importe quel masque. De ce que vous connaissez ou de ce que vous ne connaissez pas. Sachez que c'est l'une des stratégies sataniques. Il peut utiliser n'importe quel masque. Dans ce savez-vous que pour imposer l'idolâtrie à Babylone, on avait façonné une statue appelée Belshazzar, le nom de Daniel, prophète de Dieu. Savez-vous également que pour imposer l'idolâtrie, la mariolâtrie dans le monde entier, on utilise le nom de Marie, qui est notre sœur fervente combattante, qui se repose dans l'au-delà, mais son nom est utilisé et ses statuts sont utilisés dans des cathédrales à travers le monde pour pratiquer l'idolâtrie, des cultes démoniaques, savez-vous ça? Je vous dis que le voleur Satan, n'importe quelle effigie. Savez-vous que les photos de Frère Branham sont utilisées dans des cultes d'occultisme? Par les portières infiltrées parmi nous. Nous parlons des combattants. Donc le diable dans ses ruses peut utiliser n'importe quelle effigie. Car il veut atteindre ce but. Mais quand le voleur la vient pour vous précipiter dans la chambre, rématurément, l'ange de Dieu s'interpose entre vous et la mort. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve en fait, l'esprit de Dieu sera l'étendard. Le maître en fuite. Que le diable vienne sous forme visible. Masqué. Et il y a l'esprit du discernement. Tout ceci doit aider les combattants. Oh non, c'est le Seigneur le Sunga Babundi. Prenez conscience. Nous livrons une bataille jamais vaincue. Ça vous demande d'être formé. Entraînez. Rendez. Pour aller de victoire en victoire. Et de délivrance en triomphe. Amen. Peko kangolama na simana longa ya munene koleka. Même si le diable utilisait l'effigie du pasteur, pour camoufler derrière, qu'allez-vous faire? C'est le pasteur qui est censé veiller sur vous. Mais que lui maintenant vienne pour vous donner la mort. Qu'allez-vous faire? Je vous aide ici. Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste se réfugie dans ce nom et se trouve en sécurité. Le diable doit être démasqué à tous les points de vue. Nous devons le pourchasser. Et vous avez dit qu'il faut continuer à Mbamba, n'amoni moumabé. C'est vrai. Ako sayote, aïe babina yote, Aïba Santana Yoté. Vous devez vous élever au-dessus des sentiments. La mort prématurée, c'est le travail d'un voleur. Et le diable, son travail, c'est de séduire. De prendre les apparences qui vous mettent en confiance. Mais méfiez-vous de cela. Les saints de Dieu se reposent. Le Prophète m'a dit ceci. Tout ce qui intercède auprès des morts est inspiré. Et si le Saint répond, cela veut dire qu'il est en enfer. Donc si ce Saint, celui qui est donné comme Saint, répond. Et puis Marie répond. Oh Marie apparaît à Lourdes. Oh Marie apparaît à Kaouka. Ou Simon Kimbangu est à Paris. Parce que les Kimbangis sont invoqués. Ceux qui reviennent là, ce n'est pas un véritable saint de Dieu. Mais c'est un démon. Dans l'œuvre de séduction. Pour vous mettre en confiance. Et vous montrer qu'il n'y a pas de danger. Que tout est bon. Mais n'acceptez pas de mort prématurée. Quel que soit le masque utilisé. Est-ce que vous êtes là pour comprendre? Je vous ai dit, même s'il s'agit de votre bataille, invoquez à la place le nom de Jésus-Christ. Car bien souvent, quand il s'agit des meilleurs messages venant de Dieu, les effigies du serviteur de Dieu sont utilisées en conformité avec la volonté de Dieu pour votre édification, pour votre protection. Mais quand l'ennemi va se cacher derrière ça, prendre les apparences de ça. Utilisez le nom puissant de Jésus-Christ. Chassez les démons. Un jour, Martin, le messager, a été. Parce que Satan a pris l'effigie de Jésus. Il a mis le trône. Il a porté des pantoufles en or. Et puis il était brillant là, avec des lumières autour de lui. Et puis comment ça lui dit, Martin, c'est moi. Ton sauveur, Jésus. Voyez, le degré d'imposture. Il d'une voix que Martin peut entendre dans la vision. Et il se présente même comme Jésus-Christ. Voyez jusqu'où il peut aller. C'est ainsi que vous devez avoir l'esprit de discernement. Frères et sœurs, c'est que je vous le dis. Ayez l'esprit de discernement. Il a dit, Martin, il est allé, il est prêt comme ça. Martin, fais vite. Prosterne-toi, adore-moi. Martin, tu traînes, Martin. C'est moi ton sauveur, Jésus. Tu ne te rappelles plus? Fais-le vite. Reprenons-le. Ne vous m'allumez. Martin était un pésitant. Martin allait côté de la mort. L'apparition était réelle. Alubi, comment on a les âges à solo? Il est glorieux, c'est clair. Il a commencé à faire défiler le passage de la parole dans son esprit. Qui dit la parole? Il passe le passage. Il passe. Mais Martin, Or Martin méditait. Martin méditait Satan prêche. Soyez patient dans votre méditation. Ne vous attendez que quand vous êtes sûr que vous avez la bonne pépite. Vous avez la bonne cartouche. Passez le passage, il dit. Le caca, mais on a dit bien. Il dit pas ça. Ah, ok. Il trouve quand même quelque chose. Il dit Satan. Lui se présente comme Jésus, son sauveur. Martin répond finalement Satan. Gloire au Seigneur. Satan. Je te rappelle que mon sauveur Jésus est parti d'ici avec le coup de son âme à la main. Et une couronne d'épines sur la tête. Et toi tu as une couronne d'or. Jésus-Christ est parti, Un jour, Jésus-Christ lui-même a été tenté par le diable de son vivant en pleine prédication. Il annonce sa mort et sa résurrection. Il annonce la parole. Mais un frère très élevé, très courageux, du nom de Simon Pierre, il a interrompu la prédication. Donc j'ai quelque chose, mais je ne veux pas le dire. S'il vous plaît, Seigneur. Tu vois ce que tu viens de dire. À Dieu te plaise. Et là, il est arrivé là-bas. Jésus n'a pas mis des émotions. Il n'a pas mis des sentiments. Il a dit, Satan. Arrière de moi. Car tes pensées sont des pensées des hommes et non des hommes. Il a utilisé des pensées humaines et des pierres pour proposer à Jésus de refuser la mort de la croix. La mort de la croix, c'est ce qui était prévu pour lui pour sauver l'humanité. Mais regardez comment il vient avec des mots gentils. Il est préoccupé du bien-être de Jésus. Et cela ne peut pas plaire à Dieu. Si Jésus acceptait cette proposition, Satan allait continuer à mener les balles. Même là où il vous montre que il vous fait gagner, Nous pouvons les lire ici dans le psaume 103. La parole qui ne faillira jamais. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103, verset 2 à 4. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ayez foi en ça. chaque jour et partout. Et ayez foi en ça. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Amen, amen. Dieu fait ça. Dans ma langue, ça l'a eu. Eh, mon lit, mon angaï, sans jola yahé, pour bossana, pour bossana yéki, yé oyo, apolimbi sa kabokesene na yo yonso, apobiti sa yo na malali na yo yonso, yé oyo, aposi kolabo mouina yo et pa ina kusa. C'est lui qui délivre ta vie de? Aposi kolabo mouina yo na? Délivre ta vie de? La force, c'est quoi la tombe, non? Il y a un mot, il a même si le voleur a planifié, a voulu voler ta vie pour aller à la mort, il peut délivrer ta vie. Tu n'es pas un méchant pour qu'il n'y ait pas de délivrance dans ce combat. Le méchant, lorsque cette mort vient s'imposer, il s'est poché aussi vite que l'air. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Mais pour les croyants qui adorent Dieu, la délivrance existe. Dieu peut délivrer ta vie de la sorte. Je veux dire sincèrement, amen. Hein? Oh, ici dans le psaume 68, vous le savez aussi, c'est écrit clairement là-bas. Psaume 68, verset 21. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Suivez la conclusion de cette phrase. Et l'Éternel, le Seigneur, disons-le ensemble, peut nous garantir de la mort. Amen. Nzambe na biso ajali nzambe na kubikisa. Kubika na tango na kufa ajali po na mpolo yawe. Repetez en lingala. Kubika na tango na kufa ajali po na mpolo yawe. Kubika na tango na kufa. Kufa yeye netike tango koki. Me yawe akubikisa yo. Ako kango na yo. Ako batelo na liwao ya mabe wana. Nous sommes les adorateurs du Seigneur. Nous sommes ici pour les louer. Ezekiel aussi, on allait lui prendre 15 années de sa vie. Dieu lui-même a donné la permission. On a envoyé un prophète. Parce qu'il y avait des ordres dans la vie de lui. Ezekiel, dans sa maison. Dans la famille. Non pas lui individuellement, mais sa maison était dans les désordres. J'ai vu toi, tu es intégré, c'est vrai. Au lieu de continuer comme ça, donc, tu n'arrives pas à mettre l'ordre. Tu ne peux pas arriver à imposer la parole dans ton foyer. Je te laisse les 15 années. Alors, si tu obis, mi bouzo mi na mitano. Donc, si Ezekias mourait, il allait mourir prématurément. Sous la permission de Dieu. Na nzela ya Nzambe, na mapesa ya Nzambe. Assumez les responsabilités que Dieu vous donne. Bouzo mi tumba Nzambe si ko pesa bino malamu. Je vous dis que Dieu n'est pas votre grand-père. Na vous dites Nzambe zali koko na ote. Dans ta maison, La Bible a dit, éloigne le mal de ta table. Éloigne le mal de ta table. Jacob, là-bas dans Genèse 35, il a eu à purifier le ciel. À purifier sa maison. Il a demandé d'enlever toutes les idoles. Les boucles d'oreilles qu'il savait. Et Jacob est allé les ensevelir, les enterrer. Dans cet élément à côté. La maison doit être nettoyée. Je suis votre responsabilité. Attends ça de vous, frère. Vous êtes le sacrificateur de votre maison. Ne laissez pas le mal vous prendre par le nez. Les enfants commencent à vous importuner. Parole ira. Que tous les mini-jibs soient boutés dehors. Il y a des sacs de vos enfants. Votala, il y a des sacs de vos enfants. Mais vous allez. Vous allez. Les sacs de vos enfants. Vous allez. Vous allez. Revenez-vous dans vos maisons. Car la mort est la mort est dit. Que ce soit pas éternel sur la terre. Qu'est-ce qu'on dira après toi? Qu'est-ce qui restera de toi quand tu seras parti? Quelle image aura ta famille après toi? C'est temps de semer le bien. Amen. Vous êtes vous là? Vous allez voir là? Dieu a dit à Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison. Dieu a dit aujourd'hui, mets de l'ordre dans ta maison. Écoute, nous pouvons prier comme ça, mais maintenant Dieu te dit, c'est une église. Ah, maman est sauvée. Si vous ne voulez pas, vous irez l'enfer vous-même. Irresponsable. Et ces gens-là ont retrouvé les doigts chemins. Si tu ne peux pas laver les mains comme Ponce Pilate, si tu dois faire ton travail jusqu'au bout du chemin, condamnez les œuvres virtuoses éternelles. Si vous fatiguez, ça veut dire le feu. Bango, Bazali. Oh, Gaibano, vraiment, Gaibano. Bango, Mutu. Bango, ne va pas yo. Bango, ne va pas yo. Reprends sa place. Il est temps de semer le bien dans les gens. Il est temps de purifier notre famille. De discipliner le nôtre. Priez-le qu'il vous inspire encore les gens. Il est temps de mettre en Dieu existe. Il est le meilleur stratège que je fais. Il peut te révéler de nouvelles choses. Il est temps de faire la promotion est là, yo. Bako kole kele yo jamais. C'est vrai. Bere l'encolo. Fukama. Biya nukoya. Amen. Ezekias. Ezekias. Melod. Tiens mon longueur. Tu vas mourir. Fukukufa. Il a menacé. Ya monaki. Que tout sur terre est faniti. Yo, selon ma belize, elle vous pamba. Les programmes. Manaka. Wana va pour les affaires. Les affaires. Compte qu'après tout, il va bientôt tout laisser. Tango, kalamita kutika nyoso. Où mettez-vous l'essentiel? Vous allez kutawa mutu ya wapi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Que ce royaume de Dieu soit en vous-même. Que ce royaume de Dieu exerce ses effets dans vos maisons. Que ce royaume de Dieu exerce ses effets dans vos enfants. Cherchez premièrement ça. Et Dieu vous donnera le reste. Y a-t-il des combattants pour dire amen? Ne mettez pas les émotions ici. Ce frère m'a blessé. Les voix sont blessées comme ça. Le Seigneur va tirer le lingua la poutre. Est-ce que vraiment c'est comme ça qu'il faut prêcher? Mais le trop brutal, lui. Et toi, tu aimes le péché qui est brutal, là. Vous allez pour l'imakoutou ma soumou, et en gros, vous allez pour l'imakoutou ma soumou, et en gros, vous allez pour l'imakoutou ma soumou, et en gros, vous allez pour l'imakoutou ma soumou, et en gros, vous allez pour l'imakoutou ma soumou, et en gros, vous allez pour l'imakoutou ma soumou, et en gros, vous allez pour l'imakoutou ma vous devez persévérer dans le mal. Le mal reste mal et mérite d'être contre le mal. Ma paix est celui de quoi ça y est. Papa y a un homme pendant qu'il y a et qu'on coma jamais de l'âme. Le mal ne deviendra jamais le bien. Ma paix qu'on coma volant ou comme on fait. Exercez votre force en prière. Vous allez là, vous cassez la minocate ma bonne délai. Si l'intelligence est épuisée, ce qui m'a eu le fini. Et toute la série de punitions possibles et puis votre force est en prière. Vous n'êtes pas le premier à rencontrer des cas difficiles. Notre frère Branham a rencontré sa propre vie. Sarah Branham. Sarah Branham. Hein? Elle était devenue impossible, têtue. Il y a comme qui m'ont tombé par ici, sans moi. Les vagues de l'adolescence mal gérée. On a bon Dieu, on a voulu voir la mère de ma mère. Elle voulait toujours sortir. Dans mon osseau, mais d'en parler, elle était à bout. Les couloirs, les commis dans le bac, pas comment il a fait. Elle donne le rapport à son père, le papa ne semblait rien faire. Et à Pesci, qu'on a levé les tatapes de taille, pas de mais finalement. En tout cas. Branham a invité sa femme à mourir. Mais voilà, Bengi, moi c'est ma bonne délai. Ils sont adressés à Dieu. Bango, Bango, Dieu. Cet enfant, hein, c'est toi qui nous l'as donné. Vous allez y aussi, vous pouvez s'habituer. Regarde maintenant comment il nous casse la tête. Ça, là, vous allez vous pouvez s'habituer. Hein? Tu es le père des esprits de toute vie. Vous allez t'attendre à mes limons. Ne peux-tu pas dominer ces esprits, Seigneur? Vous pouvez aller voir mon limon. Supplier Dieu. Ma bonne délai, Zambé. N'a pas fait mon nom. Il y a la fin, frère Branham a dit. N'a pas fait mon nom. Bon, si elle vient te demander la permission. Ouais, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous ah ok, que Dieu te bénisse et te garde sur toi. Ah, souvent, quand il faisait ça, maman se mettait en état. Criait. Ce jour-là, il a vu maman n'a pas crié. Il a simplement dit quelque chose d'inhabituel. L'enfant est allé au portail. Il a fait quelque chose de sympa. Savez-vous qu'il n'a pas pu quitter la parcelle? Il a pu quitter la parcelle. Depuis là, elle s'est assise. Yavandi. Depuis ce moment-là, elle était devenue une fille très disciplinée. Et c'était devenue une fille modèle dans la famille. Dieu peut inspirer des stratégies. Son intelligence est insondable. Ses pensées sont inépuisables. Il est le roi qui domine par sa vie. Que ton cœur croit et applique. Amen. Amen. Ne pleurniche jamais. Amen. Ne te sens pas abandonné. Amen. Ne te laisse pas abattu. Amen. Ici dans le psaume 94, Amen. La parole nous dit encore ceci qui est vrai. Amen. Mes chers amis, Amen. Attachons-nous à Dieu. Amen. Il dit ceci au verset 19. Amen. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Amen. Amen. Deviennent comme un peuple, une foule. C'est le moment où tu as le plus besoin de consolation de Amen. Amen. Les consolations de Dieu de ta vie. Les consolations de ton Dieu. C'est vraiment le moment où tu en as le plus besoin. et cela console, ça rassure ton âme. Dans le psaume 42, l'écriture dit, mes os se brisent, verset 11 et 12. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Et une des façons de vous blesser le plus fortement, c'est que le diable entre dans vos enfants. Pour faire des choses qui paraissent pas comme des défis ou comme des tenis. Des tenis de votre autorité. Que vos enfants, c'est votre cœur. Et Dieu sait comment alors vous briser. Le diable sait comment vous briser. Il est uniquement inspiré un de vos garçons ou une de vos filles. Pour faire des choses inimaginables selon l'éducation de toi tu lui as donné. Des fois, il te pose ça au filet qui vous bombaye. Mais tu ne peux pas faire ça. Mes os se brisent quand le persécuteur m'outrage. Et me dit sans cesse, où est ton Dieu? As-tu déjà vu ton propre enfant renier ton Dieu? Les tourmentaires, les démons, Par l'esprit de discernement, vous allez détecter. Qu'est-ce que le diable cherche à faire, mais je ne veux pas lui servir, de l'omelette. Abattre complètement. Non, je vais résister. Je ne ferai pas plaisir à un démon. Je suis debout dans ma foi. C'est l'autorité de la famille. Amen. Car la promesse est pour vous. Et pour vos enfants. Et pour vos enfants. Et pour tes enfants. La promesse d'esprit c'est pour vous. Et la paix est pour la vie. Et Dieu peut les jeter au lui. Et Dieu peut les récupérer. Je lutterai jusqu'au bout. Même après ma mort, ma prière sera exaucée. Dieu utilisera quelqu'un pour briser le cœur de cet enfant. Même quand je serai exaucé. Mais je croirai toujours que la promesse est pour moi. Et pour mes enfants. Il a promis que dans ce nouveau pays là-bas, les enfants seront avec eux. Je vais lutter. Je condamnerai tout cela. Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi ce cri? Tu as des défis devant toi. Et ta parole aura des effets. Ce qui même batomo qu'il y a wa, les 100 fois ni loi. Communication. bato wana mokili bazana mwa kondima wana ya kokoba koloba ti atama toi mangungi ekoyoka koleka poni mondimi oyoka kate na bajourno wana lingala facile oyoka te kri wana waloba tokoloba ti bokoyoka mais ce sont des païens non wana wapagano les gens qui vous donnent des lingala facile des journaux en lingala je ne sais pas quoi aller et tout ça mais il a ce cri là à la fin tokoloba ti bokoyoka donc il faut continuer à parler. Bango, il faut un petit fouet pour nous réveiller. Et Seigneur, moi, le film, mon fils, pour la personne à conduire. Amen. Amen. Hey, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Où est ton Dieu? Rapidement, mais là-haut. Pourquoi t'as abattu mon âme? Voilà la question. Demande à ton âme. Non, mon élo, comme ça, on s'arrête, caca, qu'on s'est laissé abattre. Koutou ça n'a pas goûté comme bon goût, et abattu, abattu, Jésus abattu. Par quoi? Nanini, tout c'est par qui? Abattu. Pourquoi t'as abattu mon âme? Pour nanini. Et j'ai mis tout au-dedans de moi. Pourquoi? J'espère en Dieu. Ah. Car je le louerai encore, alléluia! Oui, je le louerai encore! Amen. Voilà comment parle le croyant. Ça, là, le nanini, mon imbazal, pour le faire. Allez, non, on est là, mais on est là. Les lobes, c'est ma boucanie qui me couvre, boucanie, hein. Mais n'a qu'au ton de l'essou le colo. Amen. N'a qu'au sale son moussala. Amen. N'a qu'au sale la chica. Amen. N'a qu'au ton de l'aïmba la chica. Amen. Amen. Face à la foi qui renverse les types. Voilà, qu'on dit, mais il faut parler dans la caméra. Il parle dessus. Et il dit, qu'on l'aïmba la caméra. Facile comme ça, chaque fois. Vous savez, nous, les lignes, on l'a tamoué dans son. Espère en Dieu. Vous savez, vous avez dans la foi est une ferme assurance. Vous savez, il ne demande qu'à faire les choses. Qu'on espère. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est exactement ça. Et quand la mort va profiter de toutes ces situations, le petit voleur va commencer à venir. Tu as échoué. Échec. La classe zéro. Oh, souvenez-moi, mais le côté. Comment dire que vous avez la tienne, je vais me faire un peu de sang. Mais non sens. Président. Là, vous pouvez attendre. Ce qui est là, il y a un peu de douleur et la tio. Voilà, passez. Écoutez ce qui va se passer. Bon, quand il est nous terminons par là. Nous allons vaguer à la prière maintenant. Pour prendre le taureau par les cornes. N'importe quel problème qui est ici, les lois, il faut tiens où les tomber. Atali, Kamoni, Napasi. Nous sommes ici pour adorer et prier. Vous allez appeler la Kokumba, mais la Kokumba. Nous parlons pour agir et obtenir. Nous devons avoir des victoires, nous faisons. Dans Job 33, il est écrit ceci, verset 19 à 30. Job 33, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Par la douleur. C'est là que des fois tes péchés, tes anciens péchés commencent à te revenir à la mémoire. Tu as plusieurs occasions ratées de faire ce que Dieu attendait de toi. Quand tu rencontres les chèques ici, problème là-bas, comment tu as les mains comme poste responsabilité qui sont tiennes. Voilà. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Les reproches commencent à venir. Alité malade, affaiblie. Quand une lutte continue vient agiter ses os, non seulement les pensées qui s'agitaient en foule, mais les os peuvent devenir agités, tremblants. Pas de stabilité. Difficulté de se tenir debout. Difficulté de marcher d'un pas. Voilà, l'homme est repris sur sa couche. Obligé de dormir tout le temps, comment ça se multiplie. Tu crois que c'est l'occasion pour faire ceci, c'est la parfaite. Tu crois que c'est l'occasion. Seigneur, il veut pour m'embouler, je ne vois plus l'utilité de la vie. Je ne sais plus, qu'est-ce que c'est venu faire ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même quand les enfants viennent. Papa! Maman! Maman! Qu'est-ce là-bas là? Vous me dérangez. Vous allez me donner l'attention. L'homme est repris sur sa couche. Les échecs commencent à se revenir. Les péchés étaient désobéissants. Les actes de témérité commencent à revenir. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Ses chairs se consument et disparaissent. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. La maigreur. Monsolinae, Eliamitino, et Monanite, Mekuanae, Nemonanaki, Libosote, Ijali Kobima, Polele. Et son âme s'approche de la fosse. La fosse, c'est la tombe. Les tombeaux, les cimetières. Et sa vie des messagers de la mort. Eh, Molimonae, et Belemi, Nankunda, Bomoenae, et Paina, Babébisi. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. C'est l'ange de Dieu dont nous parlons. Un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il lui doit suivre. Ce qu'on tombe à la qui pour naïe, mon obéi, mon côté qui n'en côte, pour n'en pas que la moto sembo naïe. Voyez ça. Quand ce temps tu s'interposes, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu meurs maintenant. Mais comme Dieu n'impose rien aux gens, il demande de le choisir. Entre partir et rester ici. Résiste comme nous. Refuse la mort prématurée. Parce que quand tu t'interposes, t'annonces la voie à suivre. Il parle à nous à la mort. Arrange toi de son côté. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange alors. Dieu dit à l'ange, délivre-le. La délivrance pour le croyant qui croit en l'intercession du Christ. Dieu dit délivre-le afin que ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a pris de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Dieu peut te rajeunir. Lui qui peut te préserver de la fosse. Il préserve ta vie de la fosse. Et il te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel. Et que Dieu t'a béni sur. Sa chair a pris de fraîcheur au premier âge et il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Tu fais dire à Dieu, je ne mourrai pas. Je refuse de mourir. Et Dieu te l'accorde. Il lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché et j'ai violé la justice. Et je n'ai pas été puni comme je l'ai mérité. Hein, à cause de l'ange de Dieu. La fille est moins jeune à qui s'interpose entre le messager de la mort. Ouais, t'as vu quatre fois la mort misango ou à quoi? Et ta vie. Et puis la bombe est Ézéchias a récupéré 15 années de vie. Oui, avant qu'il me bousome et mitano la bombe. Dieu peut en ajouter autant. Nous avons beaucoup battu la mingi. Non pas que nécessairement tu étais parfait. Vous avez tout d'un qui mais seulement. Le salaire du péché, c'est la mort, non? Il faut qu'il y a, aussi, mais là, tout pas. Tes péchés t'amènent à la mort. C'est prématurément. Comme dans l'église de Corinthe. Il était mort prématurément. Il était mort prématurément. Et manger indignement la sainte scène. Il était mort prématurément. Il a laissé la mort prématurée frapper les mains de l'église. Il a laissé la mort prématurée frapper les mains de l'église. pour ne pas faire la honte de l'évangile. Pour la sonité, il venait se saouler à la table du Seigneur. Bah, il ne va pas laisser faire les messagers de la mort. Là, Matika, il a le pouvoir partout. Azali il est souverain, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Azali là aussi, c'était des chrétiens. Vous n'avez pas et Dieu a laissé faire la mort. Après, il dit que même certains, c'est pour ça qu'il y a plusieurs qui sont malades parmi vous, certains sont même morts prématurément. Dieu a permis. Mais quand il empêche, c'est pas que tu étais forcément parfait. Mais il t'a donné une faveur imméritée. Après, ta miséricorde triomphe des jugements. Alors tu pourras dire, je n'ai pas été puni comme je l'ai mérité. C'est ça. Et puis il dit, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. Ce n'est pas seulement une fois. Deux fois. Trois fois avec l'homme. Pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Je suis témoin que Dieu fait ça. Combien de fois j'ai échappé à la mort, moi ici? Malaboni, Naïna, parfait. Parce que Dieu n'a pas voulu me punir comme je le mérite. Zambe, aligagite, pesa ngai tumu lolenga na bonga kina yango. C'est vrai. Solo. Il nous comprend. Akuso sola biso. Il nous comprend. Akuso sola kabiso. Il nous comprend, je vous dis. Ye, akuso sola kabiso, penza na bele bino. Et ne nous punit pas toujours comme nous le méritons. À côté, ça veut dire tout le monde est en même père a compassion de ses enfants. L'éternel a compassion de nous. Yahweh, à côté, il a tout fait. Ça, c'est l'exacte vérité. On est allé solo et c'est cette miséricorde qui est en train d'agir cette semaine. Nous allons savoir la poste pour préserver la vie. Pour combattre la mort. Nous allons combattre encore pour les nôtres qui sont en Israël. Pour nous sommes ensemble. Êtes-vous là? Qu'est-ce que Ézéchias avait dit? Dans Ézéchias chapitre 38? Non, Ésaïe 38, je vais dire. Il dit ceci. Verset 9. Verset 9 à 11. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Hein? Si les jours que Dieu avait prévus sont à terme. Notre problème ici, c'est contre la mort prématurée. Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. C'est ce que moi, Ézéchias se disait. Aux portes de ces jours de mort. Mais je suis privé du reste de mes années. Par l'annonce qu'Esaïe venait lui donner là, Dieu était en train de vouloir lui priver du reste de ses années de vie. Mais dit, tu vas mourir, parce que tu dois mettre l'autre dans ta maison. Tu vas mourir. Et c'est trop. Il est bien. Tes enfants sont la honte. Bah, non, ta famille, c'est la honte. Et tu ne fais rien. Vous voyez? Alors je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Et je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Donc je serai cadavre. Mais quand Dieu l'a rétabli, son cantique se poursuit comme ceci. Verset 16 à 20. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Et c'est par elle que je respire encore. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Voilà, et j'allais pour la kimia n'angai yete, n'azala kina, bolo, na bolo lomonene, n'épo na bolingo et paï na molimo n'angai, obitisi, yango, longo na libulu na libebisi, zambi, obati, masumu n'angai yonso, simana mokongo, na yo. Amen. C'est vrai? Il peut pardonner. Amen. Tous tes péchés, toutes tes iniquités. Amen. Il peut renoncer à tes ténèbres. Et ne pas te punir comme tu le prie. Il est Dieu souverain, Dieu de bonté. Riche en miséricorde. Amen. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, toi aussi tu dois le faire. Tu dois l'adorer à ces jours. Il a reçu les grâces. La louange. Remerciement. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments. Tous les jours de notre vie, dans la maison de l'Éternel. Amen. Voilà. Le traducteur est dépassé. Que Dieu vous bénisse. La prédication est terminée pour ce matin. J'espère que chacun a saisi la pensée terminée. Et on doit louer Dieu avec force. Nous prendrons les instruments à cordes. Hein? Frère Tite Kwamba va prendre le clavier. Nous ferons résonner. Nous allons chanter et puis chacun va prendre la position de prière. Adorer et puis réclamer des victoires. Résister à l'esprit de mort, les voleurs. Les voleurs de la vie, les voleurs d'hommes. Voilà. Amen. Nous ferons résonner. Ça résonne comme ça. Ça résonne. Ça résonne, non? Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. La Bible a dit de faire résonner. Voilà. Louange au Seigneur. Gloria à Dieu. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. J'aime mon moi. Oh, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Avec joie. Maintenant, C'est la prière. Ça, ça y est, les supplications. Nous devons nous emparer des forteresses. Brisez les cachots où le diable a gardé ses enfants. Les esprits de nos enfants. Là où il les a emprisonnés. Nous allons réclamer que ces cachots soient brisés. Que le mur des cachots s'écroule. Dieu reste Dieu. Il donnera raison à ta foi. Il t'accordera selon ce que tu crois. C'est Dieu qui a fait ces jours. Et il est ici pour communier avec nous. Pour nous conduire et nous bénir. Pour nous conduire et nous bénir. Pour nous conduire et nous bénir. Pour nous conduire et nous bénir. Prends la position. C'est la meilleure position. Soit debout pour prier. Soit à genoux. Choisis entre les deux, c'est mieux. Refuse ta maladie. Même si tu as des problèmes de genoux. Témoigne à ce genou que tu crois à ta guérison. Par les meurtres sur de Jésus-Christ. Un genou a déjà été guéri. La douleur doit se soumettre au dictat de ta foi. Les membres de ton corps doivent se soumettre au dictat de la foi de ton cœur. Ayons chacun maître à mes mains. Ayons foi sans douter. La tormenta Au début de cette réunion, le ciel a failli s'assombrir pendant un temps. On sentait de l'agitation. J'avais l'intention de dire que nous demandons au ciel de se calmer pour ne pas perturber notre réunion de prière et d'adoration. Je n'ai pas pu le dire. C'était juste une pensée. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Dieu me voit. Et lui a entendu. Amen. Mais je constate Amen. Que Amen. Le ciel s'est calmé. Amen. Amen. Notre moment de prière que Dieu connaît s'est déroulé sans perturbation. Louange à Jésus-Christ. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Et parce qu'il a donné ce signe, il peut entendre la prière du cœur. A fortiori, toi qui as parlé, s'il peut exaucer à ce qui était intérieur, j'ai l'assurance qu'il exauce à ce que la bouche a dit. Ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, c'est sa promesse infaillible qui est. Tout ce que vous demanderez en priant, vous voyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Avez-vous pensé à nos frères à distance? Amen. Amen. Vous connaissez la Amen. Frère Adam Sapo Kongolo. Neko Adam Sapo Kongolo. Sœur Dorcas, son épouse. Neko Dorcas, moi, Sinaïe. Frère, bienvenue sur Koulati. Neko, bienvenue sur Koulati. C'est quelques noms comme ça. Frère Trésor Bonteke. Ma combo, oui, voilà, frère Trésor Bonteke. La sœur Bethel. Nzouzi. Neko, moi, si Bethel, Nzouzi. Sœur Naomi. Neko, Naomi. Bonteke. Bonteke. Oh, notre frère Gédéon Lulemba. Neko, Nabiso Gédéon Lulemba. Et là-bas, le frère Fabrice Lusameso. Neko, Fabrice Lusameso. Frère Sosten. Neko, Sosten. Et la sœur Aziza. Aziza, Matinaye. Quelques noms comme ça. Bakombo Rengiona. Père Dieudonné Boyo. Neko Dieudonné Boyo. Son frère. Neko Nabiso. Le frère Raymond Kunda. Neko Raymond Kunda. Dans le Katanga là-bas. Kunda na Katanga. La sœur Vicky. Neko Vicky, Matinaye. Dieu peut tout contrôler. Jamais à côté pour l'âme et la nôtre. Sœur Ghislaine. Neko Ghislaine. Mukulumani. Mukulumani. Le frère Simon Mukulumani. Neko Simon Mukulumani. Là-bas. Kuna. Mais Dieu reste Dieu. Zambé, article mauvais Zambé. Amen. Sœur Bijou. Meta. Bijou. Meta. Dieu reste Dieu. Zambé, article mauvais Zambé. Amen. Il contrôle tout. Azali Kolambe la Nikolona Nosso. Contrôle les esprits des humains. Toute nos vies. Pas à pas. Heure après heure. Le souffle que nous avons, c'est grâce à nous. C'est par ces bontés que je respire. N'oublie pas ça. Ne sois pas ingrat envers les bontés de Dieu. Nous te donne le souffle de vie. Et toi tu vas faire le mal. Arrêtez. Nous réclamons encore maintenant que Dieu donne du souffle en prière. À chacun de nous dans l'église. Pouvons-nous le faire? Réclamons. Même toi qui te crois fort. Tu as besoin d'une nouvelle dose. Chaque jour, ces voleurs tournent autour là-bas. Ils veulent voler quelque chose. Ils veulent voler quelque chose. Prendre une force divine. De la force divine. Souffle en prière. Tenir longtemps en prière. Réclamons au nom de Jésus-Christ. Nous avons encore une requête. Une requête venant de la famille du frère François Moulamba. Il demande la libération de la maman Wivine Tibola Moulamba. Qui est en prison centrale de Kananga pour un motif injuste. Pour un motif qui n'est pas vrai. Et nous demandons avec foi que le Dieu de Paul et Silas la fasse sortir de cette prison. Car il est le Dieu de la justice. Signé frère François Moulamba. Je pense que vous avez pensé également à nous autres bien-aimés qui sont des fois ici, mais devenu assez régulier au culte. Et d'autres aussi qui sont à distance également. Il y a le frère Clément Bongola. Le frère Jean-Claude Mbaï. Assez irrégulier au culte. Et Dieu leur passe grâce. Pour passer cette étape. Pour reprendre leur poste du devoir à la maison de Dieu. Et là aussi à distance, il y a aussi notre sœur Janine Matandou. Il y a le frère Daniel Luanga. Il y a le frère Junior Luanga. La sœur Espérance Luanga. Nous devons penser à tous nos bien-aimés. Nous avons la sœur divine Mouigwa. Là-bas, Lubumbashi. La sœur Sarah Mbombo aussi. La sœur Eden Mbaï. Tous ces cas, nous devons toujours penser aux nôtres, en prière. Que le bouclier de Dieu agisse. Que quand Dieu bénit ici, il bénit aussi les nôtres. Réclamons les nôtres encore en prière. Particulièrement la requête ici qui a été présentée. La maman Wivine Tibola Moulamba. Prions chacun. Tremblez plus devant la mort. Soyez fort en prière. Dieu est prêt à nous délivrer. Il a prouvé cette semaine qu'il peut délivrer la mort. Il a prouvé cette semaine que l'ange de Dieu s'était ici. Il peut s'interposer entre votre maladie. Que Dieu guérisse chaque malade ici. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu se souvienne de notre sœur Elise Kamunga. Zambi, abanza, Kamunga. La protège dans tout combat. Abate, la victoire au front. Elle donne le témoignage pour la foi dans la vérité. Que se souvienne notre sœur Jeanne Ilunga. Zambé, Akanchanou, grâce à Jeanne Ilunga. Remonte sa spiritualité. A tombe la moulinou la force en prière. La tâche de sa prière. Il donne ce souffle que nous demandons. A tâche de sa prière. Au nom de Jésus-Christ. A tombe la moulinou. Que Dieu fortifie chaque peuple parmi nous. Zambé, Akanchanou, la tâche de sa montagne. Pour qu'en sortant ici, il soit fort. Pour qu'il n'y a pas à la tâche. Amen. Que Dieu délivre nos enfants de l'esprit de rébellion. Du démon d'iniquité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants, c'est Dieu qui nous les a donnés. Nous ne les avons pas engendrés pour les voir perdus. Nous voulons les voir avec nous dans les royaumes. Que Dieu brise la prison. Zambe a pousse à loco. Qui retient captif les enfants de Dieu. Dans les questions de la débauche. L'orgueil et le fatalisme. Les vanités du monde. Les mortalités même. Que Dieu délivre nos enfants. Zambe a tango la banane à l'issue. Amen. Nous n'avons que le nom de Jésus. Amen. Tu l'as bien appelé la Satan doit se soumettre. Satan est celui de la soukama. Les démons doivent s'agenouiller. Satan est celui de la soukama. Amen. Le nom du Seigneur doit triompher. Comme on a appelé celui de l'onga. Tout genou doit fléchir devant nous. Nous continuerons à témoigner. Nous continuerons à réclamer. Nous continuerons à réclamer. Nous continuerons à condamner le mal. Amen. Amen. Jusqu'au bout. Amen. Amen. Amen. Oh pauvre cœur qui toujours craint la délutée en vain. Oh des docteurs anges, tenons-nous tous debout. Découragés, oh espère. Amen. Satan sauveur de restaurer ton cœur, ou dit le monde, ne fais pas que tu verras ta foi, la puissance, la puissance. Béni soit le nom du Seigneur Jésus chaque jour. Nous glorifions son nom pour ses bontés. D'avoir prêté oreille à nos prières. De ne pas nous tenir rigueur par rapport à nos péchés. Mais il a des déplorants du sang de Jésus. Par lequel il peut tout expier. Pour nous rendre plus blanc que la neige. Dieu Tout-Puissant. Nous sommes heureux d'invoquer ton nom, de croire en toi. Après ceci, nous partirons dans la joie et dans la paix. Rassurez que tu nous as écoutés. Que les lignes ont commencé à bouger. Depuis le ciel qui était agité, jusque dans nos vies à chacun, même dans la santé de chacun, même dans le travail de chacun, même dans nos affaires, même dans nos activités approchées, ils ont commencé à bouger. Merci à Dieu pour répondre. Tu n'es pas une idole, mais il est le Dieu vivant de lui. La colonne de feu qui nous accompagne. L'ange de l'alliance qui se tient. L'ange de l'alliance qui se tient. Nous avons confiance en toi. Tu as exaucé nos prières. Tu as déversé l'onction de joie. Et une force nouvelle en prière. Pour que dès aujourd'hui, chacun prie mieux qu'avant. Et chacun s'offre mieux qu'avant. Pour voir à tous les besoins. Dans le nom de Jésus-Christ. Guéris et écrase chaque maladie. Et la mort s'enfuit encore une fois. À des kilomètres de nous. Nous voulons des progrès. Nous voulons les témoignages des merveilles. Les miracles, parle les vivants. Parle les vivants, Seigneur. Nom de Jésus-Christ. Nous te prions. Nous te prions. Amen. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Lui qui nous a consolés. Marchons dans la foi.